Le titre de la conférence, c'est un titre approximatif, là, parce que c'est l'inconfort de ne pas être ce que l'on veut être, ou l'inconfort de ne pas avoir été ce qu'on aurait voulu être. Puis, je vais l'étudier à partir d'une lecture tout de suite pour bien s'aligner. Ils disent que l'homme ne peut être dans la vie que ce qu'il est. Que ce qu'il est marqué pour. Disent que comprendre ceci ou accepter ceci, ou comprendre ceci est une réalité très difficile à accepter, parce que l'ego, à cause de sa réflexion, interfère ou veut interférer avec sa programmation. La programmation est une autre dimension de la réalité humaine qui est difficile à accepter, parce que l'ego croit en un libre arbitre, alors que le libre arbitre est une illusion universelle de l'âme, alors que l'homme doit un jour le dépasser, le libre arbitre, ou en dépasser l'illusion psychologique pour en arriver éventuellement à être libre. L'inconfort de ne pas être ce que l'on veut ou ce que l'on aurait voulu être, c'est une réflexion de l'ego. Et en tant que tel, n'a aucune valeur fondamentale, dans le sens que seul l'ego peut ou ne peut pas traiter avec cette illusion-là. Un ego qui a très conscience des lois occultes de la vie n'a pas de problème avec ça, cette condition-là. Mais un ego qui n'a pas conscience des lois occultes de la vie peut avoir des problèmes avec cette condition-là. Et certaines personnes ont des graves problèmes avec cette condition-là. Ne pas être satisfait avec sa vie engendre d'autres insatisfactions. Et l'homme peut s'amener, au cours des années, sur un train qui mène nulle part. La question que je pose, c'est: est-ce que l'on peut faire ce que l'on veut? Vous pouvez faire ce que vous voulez, dans la mesure où vous avez une volonté équivalente pouvant vous libérer de vos craintes. Si l'homme ne se libère pas de ses craintes, il ne peut pas faire ce qu'il veut. Puis d'ailleurs, vous regardez les gens dans la vie qui ont fait des grandes choses, qui ont bâti des grands empires, des grandes corporations, des grands ci, des grands ça. En général, ce sont des gens qui avaient très, très peu de crainte. En langage commun, on dit, ils sont capables de défoncer les obstacles, passer à travers les obstacles, ainsi de suite. Alors, le facteur de crainte chez l'ego, puis c'est un facteur qui doit être investigué pendant des générations, parce que c'est très, très occulte, la crainte. Et c'est très personnel, chacun de nous, ça varie selon chaque individu. C'est une catégorie de conscience existentielle extrêmement spécifique à l'âme. Il y a des gens qui ont des craintes pour certaines choses, pour d'autres, ce sont absolument pas des craintes. Alors, c'est très, très variable, la crainte. Et c'est à travers la crainte que l'homme est astralisé, c'est à travers la crainte que l'homme perd sa volonté, donc c'est à travers la crainte que l'homme, éventuellement, ne peut pas faire ce qu'il veut. La question que je pose, parce que c'est des questions d'ordre philosophique ou d'ordre psychologique que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'il y a un déterminisme sur la terre? Est-ce qu'on est voué à telle chose, tel palier de vie, telle façon de vivre, ainsi de suite? Ils disent, vous êtes voué, oui, parce que tout est écrit, mais ils disent, si vous ne réfléchissez pas, autrement dit, s'il n'y a pas de réflexion au niveau de l'ego, à ce moment-là, vous ne vivez pas la déception. Donc, c'est toujours la réflexion de l'ego qui est l'ombrage. C'est toujours la réflexion de l'ego qui est le talon d'Achille de l'homme, qui est la faiblesse de l'homme, qui est la source de son impuissance et l'insaveur de sa vie. Ils disent, pleurez sur ce que vous n'avez pas réussi à faire. Il dit, c'est exercer votre droit à vous plaindre. L'homme a le droit, apparemment, de se plaindre. La preuve, c'est qu'il se plaint. Mais il dit, vous plaindre, il dit, ça vous instruit seulement de vos incapacités. Ça ne vous en donne pas. C'est intéressant, ça. Ça vous instruit de vos incapacités, mais ça ne vous en donne pas de capacités. De voir la vie à partir des plans, c'est évident que ce n'est pas comme nous autres, les hommes, on la voit. C'est sûr. Mais la solution est là. Ils disent, l'inconfort de ne pas avoir réussi ce qu'on veut, en général, c'est pas mal universel, parce que la plupart des hommes sur la Terre ne réussissent pas ce qu'ils veulent. Puis ils disent, même ceux qui réussissent ce qu'ils veulent ou qui ont réussi ce qu'ils veulent ont d'autres comptes à rendre. Il dit, la vie sur la terre est faite pour être parfaite, elle est faite pour être éclairée. Il dit, l'inconfort de ne pas être ce qu'on veut, ainsi de suite, c'est une grande illusion de l'ego, mais il dit aussi, c'est une grande, grande perte d'énergie. L'homme perd beaucoup d'énergie dans ce travail-là de réflexion. Ma question à eux autres, c'est comment faire ce qu'on veut? La réponse qu'ils donnent, c'est que l'homme doit se distinguer de ses ambitions et se créer ou chercher à se créer un pavillon de paix. Autrement dit, si l'homme est un petit peu évolué, là, il se distinguerait de ses ambitions. Donc, des ambitions, il n'y aura pas ça. C'est purement psychologique, une ambition. C'est purement égoïque. Tu peux être créatif, mais pas nécessairement avoir d'ambition. Ça, c'est difficile à comprendre. Et dans ce processus-là, l'homme se créerait un pavillon de paix. Mais c'est pas ça qu'il fait. Il repose sa vie ou il mesure sa vie seulement avec de l'ambition. Prendre un certain âge, là, mais ça commence à... L'ambition commence à diminuer parce qu'il n'y a plus les forces vitales, et ainsi de suite. Puis il n'y a plus l'inconscience, il n'y a plus les illusions de la jeunesse. La question que je pose, est-ce que l'ambition est bonne? Il dit, si l'ambition est nécessaire quand vous n'avez pas d'autre chose pour la remplacer. Ça va être intéressant, ce qui va venir après, je le vois venir. L'ambition est bonne tant que vous n'avez pas d'autre chose pour la remplacer. Comment est-ce qu'on remplace l'ambition? Il dit, on remplace l'ambition par un processus créatif qui nous remplit. Ce qui dit quoi? Un processus créatif qui est parfaitement adapté à notre conscience. Ça veut dire quoi? Il dit, ça veut dire que c'est réellement l'expression de notre être. Donc, quand tu as un processus créatif qui est réellement l'expression de ton être, tu n'as plus besoin d'ambition. Quand tu n'as pas un processus créatif qui est l'expression de ton être, tu as besoin de l'ambition pour compenser, parce que tu as besoin d'une grosse énergie astralisée, des grandes forces de l'âme pour te propulser dans le monde. Puis à ce moment-là, ben, tu es confronté à toute une dynamique sociale, société, dépendant dans quelle société tu vis. Là, tu es en compétition avec le monde, au lieu d'être simplement seul dans un processus créatif, où tu mets le monde en vibration, au lieu d'être en compétition avec le monde, puis ruiner ta vie, ruiner ta santé, puis vivre des éclats d'obus. Je lisais un article dans Vanity Fair, le baron von Thyssen, qui est mort en 94, issu d'une famille allemande richissime dans l'industrie de l'acier. Puis sa vie, ça a été un fiasco de son point de vue à lui. Ça a été très riche. Puis sa faiblesse, c'était les femmes. Puis, il avait tellement peur d'être seul dans la vie que quand il en rencontrait une, il est marié. Pouf! Quand ça ne marchait plus, il y a marié un autre, paf! Puis il fait ça, il a eu jusqu'à 5 femmes. Puis chaque femme lui a volé sa fortune, il a eu des enfants, à gauche, à droite, des enfants qui appartenaient, des enfants qui appartenaient pas. Autrement dit, il y a un vrai gâchis de vie. Puis on se pose des questions, comment ça se fait que des gens aussi riches, aussi proches de la noblesse, ainsi de suite, ne sont pas capables de s'organiser pour avoir des vies qui ont d'allure, des pavillons de paix? Parce que l'homme ne sait pas vivre. C'est pas parce que t'es riche que tu sais vivre, c'est pas parce que t'es belle que tu sais vivre, c'est pas parce que t'es 6 pieds 4 que tu sais vivre. Si t'as pas d'esprit, t'es fait à l'os. C'est rien que de l'âme qui rend le show. T'as des beautés, des modèles, des beautés qui se droguent à cocaïne, ils sont plus capables de vivre. Comment est-ce que ça fait que des belles femmes sont plus capables de vivre? Se créer des pavillons de paix parce qu'il n'y a pas d'esprit. C'est rien que de l'âme. On est poussé par l'âme tout le temps. Baron von Thyssen, poussé par l'âme tout le temps. Puis nous autres, on veut être comme eux autres. On veut être des beaux modèles, on veut être des barons, on veut être des ci, on veut être des ça. Fait qu'on s'en projette des illusions. C'est abominable. Fait que l'autre bord, ils ont du fun. Être inconfortable, il dit, parce qu'on n'a pas atteint nos buts, il dit, dans la vie. Il dit, c'est une forme d'égocentrisme. Là, je leur pose la question, bien, chaque être humain, dépendant de sa disposition psychologique, culturelle, son niveau d'éducation, et si tu devrais pouvoir se tailler un morceau dans la tarte sociale. La réponse, c'est, il dit, c'est vrai que tout être humain voudrait se tailler un morceau de la tente sociale, mais ça ne veut pas dire que chaque être humain amènerait à bien son action. Quelqu'un dira, bon, j'ai un seul médecin, mais ça veut dire que tu vas être un bon médecin. Donc, la projection de l'ego par rapport à la médecine, ça, c'est une projection de l'ego. C'est comme la fille qui dit, j'aimerais être une actrice, ça veut dire qu'elle est une bonne actrice, ça veut dire qu'elle va être capable de supporter le regard du monde sur elle de chaque fois qu'elle sort d'un restaurant. Il y a des gens qui ont une vibration, puis ça, pas tout le monde. Fait que tu ne peux pas vivre la vie des autres. Le plus grand danger à la société moderne, c'est que le marketing est tellement fort que les gens s'imaginent pouvoir vivre la vie des autres. L'engouement pour l'autre. L'engouement des hommes pour les CEO qui font des millions. L'engouement des femmes pour Bellucci. On est toujours dans l'engouement pour les autres. C'est quoi ça, d'après? Il dit, parce que vous n'avez pas d'identité. Il dit, ce que les autres sont, c'est leur karma, c'est pas le vôtre. Chacun a son karma, Bellucci a son karma. Elle va vieillir un jour, elle va arriver à 65 ans, Bellucci. Ce qu'elle va faire, c'est pas assez d'esprit, puis elle est obligée de supporter un corps qui est en train de se fripper. Qu'est-ce qu'elle fait qu'on assiste quand son fils est mort? Il commence à descendre. Quand toute la haute société américaine, européenne, internationale s'est mise contre le fait qu'il avait marié le Kennedy. Comment ça qu'on ne prend pas l'expérience? On ne prend pas l'expérience de ces gens-là. Pourquoi est-ce qu'on ne regarde pas? Il dit, vous ne regardez pas. Il dit, parce que vous êtes aveugle de vous-même. Il dit, vous n'êtes même pas capable d'apprécier vos propres vies. Fait que comme vous n'êtes pas capable d'apprécier vos propres vies, vous êtes toujours dans le théâtre des autres. Pour regarder la vie des autres, apprécier la vie des autres, comparer la vie des autres avec la vôtre. Je comprends que le monde déprime. Surtout à la fin du 20e siècle. Avec les millions qui flottent, les beautés qui se promènent, puis tout ce qui se passe, puis tout le panache, puis tout le hype américain. Il dit, le drame des hommes, c'est de ne pas vivre leur vie. Il dit, être inconfortable parce qu'on n'a pas réussi à faire ce qu'on voulait. Il dit, c'est la quintessence, il dit, de la stupidité. Il dit, si vous parlez avec nous autres, on vous corrigera ça tout de suite. Mais il dit, vous ne parlez pas avec nous autres, vous pensez. Il dit, être inconfortable parce qu'on n'a pas réussi ce qu'on a voulu. Il dit, c'est regarder un processus irréversible, puis il dit, ce qu'on doit faire quand on est devant un processus irréversible, il dit, c'est s'élever au-dessus de lui. Parce que si vous ne vous élevez pas au-dessus du processus irréversible d'avoir pas réussi votre vie, vous allez être malheureux, vous restez en vos jours. Vous allez vous passer du cul, vous restez en vos jours. Vous allez en souffrir, vous restez en vos jours. Les jeunes, qu'est-ce qu'ils doivent faire, les jeunes? Comment est-ce que les jeunes doivent approcher la vie? Il dit, les jeunes doivent approcher la vie, premièrement, en allant à l'école. Se chercher une éducation. Pourquoi? Parce qu'il dit, l'éducation, c'est monnayable. Parce qu'il dit, puis il dit que ça vous donne des atouts spécifiques à votre personnalité. Puis il dit, dans ce processus-là, vous avez plus de chances que l'opposé d'en arriver à faire ce que vous voulez, ou approximativer ce que vous voulez. Il dit, sans ça, il dit, vous êtes obligé de vivre au niveau des détritus sociaux si vous n'avez pas de formation intellectuelle. On vit dans une société complexe où l'éducation fait partie des paramètres socioculturels. Il dit quoi? Là, ils font un comique. Là. Il dit, combien de jeunes, il dit, mettre l'éducation de côté pour une bonne vieille. Ce qu'ils veulent dire, c'est pour avoir du fun. Ils veulent avoir du fun. Ils veulent s'amuser, avoir du fun, courir avec les filles, papa. Ça, c'est bon, t'es jeune, ça ne paye pas à long terme. Il dit, allez chez l'éducation, il dit, c'est une forme de volonté forcée. Quand tu rentres dans un système éducationnel, tu vas à l'université chercher un doctorat, une maîtrise, n'importe quoi, c'est une forme d'éducation forcée. C'est forcé par le système d'œuf. C'est une sorte de volonté qui t'est imposée d'aller le faire. Si tu n'es pas capable de rentrer dans cette traque-là, ben, tu débarques. Puis, ça ne veut pas dire que si tu n'as pas d'éducation, tu ne peux pas réussir. Les gens qui n'ont pas d'éducation, ils réussissent très bien. Mais ils vont aller chercher l'équivalence par l'expérience. Fait que si tu n'as pas d'éducation, tu as l'expérience. Si tu as l'expérience d'éducation, mais tu es riche. Si tu n'as ni un ni l'autre, tu as un gros problème dans une société comme aujourd'hui. Puis après ça, tu te dis, bon, comment ça, j'ai pas réussi ma vie comme je dois faire. L'homme doit composer avec la vie. Et pour composer avec la vie, il faut qu'il compose avec ses forces. Mais il dit, ses forces, c'est pas suffisant. Parce que ses forces, c'est des talents. C'est pas suffisant. Il y a besoin d'une volonté inaliénable. Donc, les gens qui ont la volonté, c'est ceux qui ont passé à la guerre. La guerre d'Algérie, la guerre européenne, la guerre, ils viennent ici, c'est un parking pour eux autres. Tu vois, les Italiens qui arrivent ici après une génération, ils ont deux maisons, trois maisons, quatre maisons, nous autres, on leur paye du loyer. T'sais. Même chose pour les Juifs. Nous autres, on est sur la dose sociale. Il dit souffrir à un niveau ou à un autre dans la vie, c'est pas une nécessité, mais c'est un grand besoin. C'est pas une nécessité, mais c'est un grand besoin. Parce que si tes moyens de travail évoluent, puis tu souffres, tu as souffert, puis tu as la raison, puis tu es évolué, tu veux t'en sortir. Donc, tu manifestes quoi? La volonté de t'en sortir. Tu en arrives éventuellement à te greffer à ce que tu veux faire. Faire ce que tu veux faire. Approximativement, faire ce que tu veux faire. Ça ne veut pas dire que tout va être parfait, mais au moins, tu vas y aller. Il dit, les gens qui n'acceptent pas un certain niveau de souffrance dans la vie ne peuvent pas avoir une mesure de leur volonté. C'est un petit peu comme les gars qui font des Jeux olympiques. Le gars qui a la médaille d'or a une mesure de sa volonté parce qu'il y a une mesure de la souffrance qu'il est obligé de vivre pour en arriver là. D'abord, il joue au hockey. Des fois, on dit, ah, ces gars-là, ils font de l'argent, ils jouent au hockey. Les petits Brésiliens qui sont sur la plage, là, qui jouent au basket là, ou au foot là, depuis qu'ils ont 5, 6 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, avec l'espoir d'un jour de play, they'll make it. T'sais. Ils veulent maîtriser la ballon. Ils font de la magie avec la ballon. Puis un jour, ils sont spotés. Puis paf! La volonté de contrôler la matière. Il y a de la souffrance. Là-dedans, il y a de la pauvreté. L'angoisse de ne pas réussir. Il dit l'homme qui ne comprend pas la souffrance liée au fait qu'on ne connaît pas le temps ne peut pas en arriver à la maîtrise du temps. Il faut avoir une certaine souffrance pour en arriver à maîtriser le temps. Autrement dit, maîtriser tous les événements qui viennent dans la direction pour en arriver finalement dans le creuset de l'expérience. À faire ce qu'on veut. Faire ce qu'on veut. Mais c'est quoi ça, faire ce qu'on veut? Ça, c'est intéressant, cette affaire-là. Il dit, faire ce qu'on veut, il dit, c'est être à la fine pointe de notre esprit. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire être capable de projeter notre intelligence dans le monde. Ça veut dire faire la double action de mouler notre désir et notre volonté. Mouler notre désir et notre volonté. Mais la question que je leur pose, comment est-ce qu'on peut être sûr que notre désir est correct? Il dit, votre désir, il dit, c'est une plateforme pour vous projeter. Il dit, vous ne pouvez pas connaître les conséquences de votre désir. Parce qu'une affaire, c'est meilleur d'affaires, c'est meilleur d'affaires, c'est meilleur d'affaires, c'est meilleur d'affaires. La seule chose qui est constante dans ce tandem-là, c'est votre volonté. Tu perds ta volonté, tu es faite. Tu perds ton désir, c'est pas grave, tu vas en avoir un autre. Ils vont te reconnecter à un autre parce que la pensée, ça continue, sa pensée, ça continue, sa pensée, ça continue. Ça se modifie. Le regard sur la vie se modifie. Mais tu perds ta volonté, tu es faite. T'as pas eu de job depuis 5 ans, tu te décourages, t'es fait. T'es fait. Mais t'as pas eu de job depuis 5 ans, tu veux continuer dans ce domaine-là, ou un domaine parallèle, ou tu veux péter les barrières, mais tu perds pas ta volonté. Éventuellement, tu vas réussir. Il va se faire une connexion. Ils sont obligés de s'asseoir à ta table. Il y a des positions planétaires, il y a une programmation. Tu passes à travailler les cycles. Éventuellement, il faut que ça pète. Il dit, vous ne pouvez pas être retardé toute votre vie. Mais, vous pouvez vous retarder toute votre vie. Celle-là, je l'aime. Tu ne peux pas être retardé toute ta vie, mais tu peux te retarder toute ta vie. Question. Il dit, dans le sens que vous devez réaliser en tant qu'être que vous avez la capacité de redéplacer vos atouts. Bon, moi, je vais vous l'expliquer, le réexpliquer. Je regarde dans ma situation, parce qu'il faut que je me prenne comme exemple. Je me comprends mieux. Si j'avais un accident, ou je ne sais pas moi, si je perdais la parole, ou la capacité de parler comme je parle, ou d'écrire, whatever it is, je ferais quelque chose. Je m'ouvrirais une petite salle quelque part, où je mettrais des tables d'échecs, parce que j'aime ça les échecs, puis je vendrais du café, puis je me ferais assez d'argent pour vivre, ou j'irais au Mexique, puis je me ferais quelque chose dans le désert avec je me ferais quelque chose. Je ne pleurerai pas le fait que je ne suis plus capable de parler ou je ne suis plus capable de remplir le rôle de ce personnage-là que j'ai créé. Je déplacerai mes atouts. J'irai chez vous dans ton restaurant. Je dis, tu me donnerais-tu une job? Je m'en lavais à crise de vaisselle jusqu'à temps que j'achète ton restaurant. Tu connais-tu? Mais je ferai quelque chose. Pas faire quelque chose, pas être capable de faire quelque chose... être barré, se sentir barré. Je vais l'étudier avec eux autres, ça, parce que c'est des choses qu'on ressent dans la vie, ça. Ils disent que ne pas sentir d'ouverture dans notre vie, ils disent que c'est un cloisonnement astral. C'est l'astral qui cloisonne l'âme. C'est impossible! C'est une impossibilité psychique, vibratoire, créative, de ne pas voir des dizaines d'alternatives. C'est impossible. Au niveau de l'esprit, je parle. Je parle pas au niveau de l'âme, de l'astral. Je parle au niveau du plan mental, c'est impossible. C'est impossible. C'est psychiquement impossible. D'ailleurs, la vie, c'est un continuum de possibilités. C'est au niveau de l'âme qu'il y a un cloisonnement. C'est ce qu'ils disent, ça. Puis ils disent, le cloisonnement de l'âme est à la base de la souffrance de l'ego dans une société, et surtout dans une société complexe comme aujourd'hui on a. C'est pour ça que moi je dis toujours aux jeunes, allez-vous à l'école, allez à l'école, à l'université, apprenez n'importe quoi. Les jeunes disent, ben oui, mais ça, c'est, je sais pas où aller, j'ai dit, va n'importe où. Apprends de la science des bébites, ça va te mener à d'autres choses, n'importe quoi. Le gars, il veut toujours, il va être tout de suite sur sa ligne. On n'est pas en 1955, là. Avant Révolution tranquille, quand tu avais trois jobs, médecin, curé, puis avocat, puis éducateur. Aujourd'hui, il y a une panoplie de choses. Les jeunes sont mélangés. Crissez-vous dans le bain de l'éducation, si vous n'êtes pas sûr, puis essayez d'apprendre le plus proche de choses que vous pensez que vous aimez, puis si ça flop, inquiétez-vous pas, mais allez chercher vos affaires. Allez chercher votre BA, allez chercher votre maîtrise, puis avec le temps, c'est comme la température, les nuages vont se dissiper, puis un jour, voir le soleil. Regardez les secteurs, si vous êtes des gars, vous avez un petit peu de facilité avec certaines choses. Regardez les computers, dans mon temps, c'était l'engineering. En 58, tout le monde s'en allait en engineering, parce que aux États-Unis, ils avaient découvert les transistors. Ben, tu t'en allais dans l'engineering, tu t'en allais pas dans la prêtrise, c'était fini cette affaire-là. Regardez ce qui se passe. Mais tombez pas dans l'illusion que vous allez aller en ligne droite. Oubliez ça, la ligne droite. Occupez-vous de la ligne. Il y en a qui sont chanceux, ils ont la ligne droite. Ouais, puis s'ils arrivent plus tard, oups, ils sont plus intéressés. Moi, je connais des médecins qui veulent plus pratiquer de médecine. Nous autres, on dirait, tu es fou, médecin. Ils sont écœurés, ils ont ça, puis ils veulent sortir de là. Ah, ils ont été chanceux quand ils étaient jeunes. Ils payent un médecin, le gars est allé en médecine. Ils payent ta fille, la ferronnerie, le gars est allé dans la ferronnerie. Mais qu'est-ce qui arrive quand le gars se réveille? Puis c'est pas la médecine qui va être. Oubliez ça, la ligne droite. Occupez-vous de la ligne. Prenez le subway, Chris. Une fois que vous êtes dans le subway, vous êtes correct. Oubliez où est-ce que ça s'en va, le subway. Il va aller quelque part. Ça mène toujours quelque part, le train bleu. Le train bleu, il mène toujours quelque part. Oui. Ah, ben c'est sûr que c'est lié à la crainte. Regarde. La crainte, c'est le cloisonnement. Un homme qui n'est pas cloisonné, il n'y en a pas de crainte. Von Tissène, que je disais à soi, sa crainte, c'est d'être seul dans sa vie. De ne pas avoir de femme dans sa vie. Un milliardaire qui a peur de ne pas avoir de femme dans sa vie. Il y a 75 millions de femmes qui le veulent. Mais lui, il a peur de ne pas avoir de femme dans sa vie. Faut-il être con? Fait que le cloisonnement, c'est la crainte. On devrait étudier ça de la crainte jusqu'à la fin de nos jours. C'est extraordinaire. Je vous en donne des couches, des échantillons. Ils disent qu'un aspect de la crainte, ils disent que c'est l'incapacité... comment est-ce que c'est ça? Dans la difficulté qu'on a d'être seul, c'est de la crainte. Un gars là, qui vit à Saint-Tite, qui n'est jamais sorti de Saint-Tite toute sa vie, là, puis la compagnie femme, il faut qu'il se trouve un job à Montréal. Sais-tu qu'il y a des gars qui vivent la crainte? À Saint-Tite, là, il y avait toute la famille, tous ses chums. Aller à Montréal, tout seul. Aller à New York, tout seul. Aller à Paris, tout seul. Aller dans le monde, tout seul. La crainte. Ça, c'est de l'englobement, c'est de l'astral. C'est ça qui nous bat, qui nous crée des limites. Ça fait partie de notre programmation. Il faut qu'on casse ça, cette affaire-là. Il n'y en a pas de job là, tu prends ton corps, tu l'amènes là. Ben! Les immigrés, c'est ce qu'ils font. Ils partent des guerres, ils partent des terrains de guerre, puis ils s'en viennent, puis ils déménagent, ils s'en vont dans les bateaux, ils se mettent dans des cales de bateaux, Chris, pour arriver ici. Après ça, on se demande pourquoi est-ce qu'après une génération ici, ils nous possèdent, je comprends. Ils ont fait sauter la graine. Un autre aspect de la graine. Ils disent la crainte, c'est l'inconscience de notre moi, c'est la crainte. Mais quand ils disent l'inconscience de notre moi, là, ce qu'ils veulent dire, c'est l'inconscience d'eux autres à travers nous autres. Ils parlent du grand moi, là. Fait que quand tu es inconscient du grand moi, le phénomène d'être inconscient du grand moi, c'est de la crainte. Donc l'humanité vit dans de la crainte. L'évolution, c'est de la crainte. C'est pas une crainte qu'on s'impose. C'est une crainte qui est le résultat d'un conditionnement culturel qui date depuis des siècles. Mais c'est de la crainte. Il dit, la crainte, c'est pas seulement de la crainte dans le sens qu'on le conçoit. Il dit, c'est n'importe quelle forme d'empêchement. N'importe quelle forme d'empêchement, c'est de la crainte. N'importe quelle. Fait qu'un homme qui n'a pas l'empêchement, parce qu'il a conscience de son moi, autrement dit, il est dans son intelligence créative. Il va toujours faire dans la vie ce qu'il veut. Il ne va jamais réfléchir dessus parce qu'il n'est pas en réflexion, donc parce qu'il n'est pas abstrait. Donc, il n'y aura jamais de problème d'être dans l'inconfort, de ne pas avoir réussi. Quand il va être tenu de faire ça, il va faire d'autres choses. Quand il va être tenu de faire ça, il va faire d'autres choses. Il va être tenu de faire ça, il va faire d'autres choses. Mais il va toujours être satisfait de ce qu'il fait. Pourquoi? Parce qu'il va te craindre. Il dit, la crainte, c'est la désarticulation de l'esprit à travers l'ego. N'importe quel niveau de désarticulation de notre esprit, donc de notre moi universel, de notre conscience créative à travers l'ego, c'est de la crainte. Il dit, un homme n'est pas supposé de se sentir petit. À quelque niveau de l'échelle sociale il est, un homme n'est pas censé se sentir petit parce qu'il n'y a pas de petitesse dans l'esprit. Mais s'il est dans l'âme, c'est sûr qu'il va se sentir ridicule. Mais s'il est dans sa centricité, son identité, un homme ne peut pas se sentir petit. Si tu ne te sens pas petit, ben, tu vas pas t'occuper des grands. Tu n'as pas de problème des grands. Il répète, la crainte, c'est inconsistant avec l'esprit. Moi, je suis quasiment mort de 4-5 ans. Si j'avais eu la crainte, c'est mort, bien sûr. Je ne pourrais même plus respirer. Que tu sois malade, c'est correct. Mais peut-être la crainte, c'est pas bon. Ça doit être malade. Des bébites qui se promènent. C'est de la crainte. Parlez-moi pas de ta vie. Posez-moi des questions. Il dit, l'inconfort de ne pas être ce que vous voulez, il dit, c'est dû à votre incapacité de saisir votre essence. Ça veut dire quoi, ça? Il dit, votre essence, c'est quand vous êtes bien malgré tout le reste. Quand t'es bien, malgré tout le reste, il dit, c'est ton essence. Je donne un exemple. Si quelqu'un vient à moi et il dit, bon, ben, je m'étais acheté un beau Porsche. On me dit, bon, je suis bien content pour toi, c'est un beau char. Mais moi, je suis bien avec mon Volkswagen. Si je suis bien avec mon Volkswagen, je suis dans mon essence. Mais si je commence à t'envier parce que j'étais un Porsche, là, je ne suis plus dans mon essence, je rentre dans la tienne, là, j'ai des problèmes d'essence, de gaz. Il dit, c'est pas tellement que vous êtes marqué. Il dit, vous avez une mission de vie, ça fait partie de votre incarnation. Puis cette mission de vie-là, il faut qu'elle soit remplie. Le problème, c'est pas la mission de vie, c'est quand on commence à la comparer à un autre qui a une autre mission de vie. On a toute une mission de vie. On a tout un rôle à jouer à notre niveau, à notre échelle. Puis essentiellement, ce que l'homme doit être, c'est être bien dans sa peau. Si t'es bien dans ta peau, t'as plus de problème avec ta vie. À ce moment-là, ben, t'es maître dans ta programmation. L'homme ne sera jamais sans programmation. Tu ne peux pas être en tête et parler de programmation. C'est comme un computer qui n'a pas de software. Ça prend du software pour que le computer marche. Programmation, c'est la même chose. On a une programmation. Par contre, l'homme doit en arriver à être maître dans sa programmation. À ce moment-là, plus de problème. Fait que tu ne te sens plus marqué. On laisse une marque, mais on n'est plus marqué. Il ajoute à ce que tu viens de dire, ça. Il dit, quand on est insatisfait avec soi-même, il dit, c'est parce qu'on n'a pas tout, rempli notre casier créatif. On a un casier créatif. Autrement dit, on a un potentiel d'action dans la vie. Si on n'a pas tout rempli ce casier créatif-là, à ce moment-là, ben, on vit une sorte d'insatisfaction avec soi-même. C'est pour ça que c'est si beau, la jeunesse. Parce que quand tu es jeune, ton casier créatif, il est wide open. Quand tu arrives à un certain âge, ben, tu n'as plus les mêmes énergies, tu n'as plus les mêmes forces, ainsi de suite. Fait que ton casier créatif est supposé d'avoir été suffisamment rempli. Si tu es bien rempli, mais tu fais une vieillesse intéressante, tu vieillis, mais tu vieillis pas, ton esprit reste toujours jeune. Mais c'est important que l'homme remplisse son casier créatif. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire tout faire ce que vous pouvez faire. Un être humain qui, au cours des années, fait tout ce qu'il peut faire, ça va coïncider avec tout ce qu'il veut faire. Parce que tu vas pas chercher à faire ce que tu peux pas faire. C'est pas intelligent. Moi, je vais pas chercher à être banquier demain matin. Mais il faut que tu cherches à faire ce que tu peux faire. Tu regardes dans ton casier créatif, puis tu vas identifier ce que tu peux faire, puis tu le fais. Après ça, il va y avoir d'autres choses qui vont apparaître, il y a d'autres choses qui vont apparaître. Première chose que tu sais, mais les années passent, puis tu as eu une vie remplie. Il dit, oui, c'est légitime, mais il dit, ça ne veut pas dire que vous allez connaître tous les détails de ça. Puis il dit, ça ne veut pas dire que vous allez, que vous aussi, qu'ils vont vous révéler les données négatives de l'expérience. Moi, en 1972, 3 ans après ma fusion, je savais qu'un jour, je bâtirais un club dans les îles. 72. Je ne connaissais pas personne dans ce temps-là. Je n'étais même pas en public dans ce temps-là. Un jour, il m'avait dit, un jour, tu vas construire un club privé dans les îles. Je l'ai fait. Je l'ai construit. J'ai souffert dedans. Du monde a souffert dedans. Ça l'a sauté. Puis c'était nécessaire que ça saute pour ne pas faire de sec, et ainsi de suite. Mais je l'ai fait. Mais ils ne m'ont jamais révélé les... Sans ça, il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de transmutation. Ma job, c'est pas de savoir le fin fond de l'histoire. Ma job, c'est d'être capable d'atteindre les buts que je me donne. C'est ça, ma job. Puis dans ce processus-là, de le faire sans crainte. Il dit, vous seriez toujours en déprime. Vous seriez toujours en déprime. Faut être libéré à un certain niveau de nos émotions. Moi, je sais quand est-ce que je vais mourir. Là, je suis encore assez loin. Là. Quand j'étais bien malade depuis 6-7 ans, je suis encore assez loin. Il va venir un jour que je vais être proche de cette affaire-là. Là. Quand je vais être proche de cette affaire-là, il ne faut pas que je panique, parce que je le sais d'avance. Mais je suis moins émotif dans le mental que l'homme en général. Fait que pour moi, savoir que c'est à ce stade-là, ben au moins, je vais rentrer là-dedans de bonne humeur. Mais l'homme a trop d'émotions dans le mental. Fait que connaître l'avenir, c'est pas bon. Pardon? Bonne question. Il dit, les buts que vous donnez, c'est des buts que vous voulez scorer, mais il dit, ça ne veut pas dire que vous allez les scorer, mais il dit, au moins, pendant que vous avez des buts, vous vous mettez en mouvement, puis ça, c'est bon. C'est ça qui compte. Créez-vous-en des buts, faites-vous-en des buts. Ça marche, ça mène à d'autres choses. La vie, c'est un processus, c'est un continuum. Moi, ils me disent tout le temps, votre vie, c'est pas de vos affaires. Je me demande tous les genres de réponses qu'ils me donnent. Ma vie, c'est pas de mes affaires. Ça veut dire que vous en savez lendemain, puis je travaille avec ça. Ah, ben c'est sûr. Moi, me faire dire par eux autres, me faire donner des réponses aussi plates que ça, c'est pas tes affaires, là. Pour moi, là, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Ça m'enlève toute angoisse. Pardon? Non. Ça porte à te mêler tes affaires au niveau de l'ego. Pas pareil. Tu fais ce que tu as à faire au niveau de l'ego. Tu peux jamais croire l'occulte. T'es fait. Tu peux pas faire confiance à l'occulte. C'est même la religion. Ça, c'est la grande illusion des occultistes, des ésotéristes. Faire confiance à l'occulte. Tu fais pas confiance à l'occulte. Tu peux faire confiance à la vie. On ne fait pas confiance à la vie. On se fait confiance à soi-même. La vie fournit le reste. Les gens qui font confiance à la vie se font automatiquement mettre en initiation un niveau ou un autre. Tu peux pas faire confiance à la vie. Tu fais confiance à toi. Okay. Malgré le réponse. Moi, il me donne des réponses simples comme ça parce que je connais trop les lois occultes. Fait que comme je cherche pas d'être supporté psychologiquement par eux autres, je me supporte ça. Quand je tombais malade, je disais, je suis malade? Je disais non. Une bonne réponse. Je suis mourant, je me dis, je suis pas malade. C'est que tu veux tout. Le médecin ne donnera jamais une réponse de même. Comment? Faut pas me plaindre. Il va être une mais t'en arrives à pouvoir dire avec eux autres. Tu sais comment ça parle. Tu connais leur psychologie. Éventuellement, t'en arrives à être avoir une bonne science de l'occulte. Quand tu as une bonne science de l'occulte, mais là, tu peux, techniquement, en parenthèse, te fier sur les autres, puis encore. C'est vibratoire, ça. Quand tu sais, tu sais. Ils deviennent simplement un partenaire. Puis tout est paratonnerre. Regarde ce qu'ils disent. Tout revient à vous autres. Si vous fiez à nous autres, vous êtes faits. C'est l'histoire de l'humanité, ça. Pourquoi est-ce que l'homme n'a jamais eu d'identité? C'est toujours fier à eux autres. Dans le passé, c'est à travers les religions. Plus tard, mais dans l'évolution, au niveau du contact avec le plan mental, ça va être dans l'inexpérience occulte de l'homme. Il y a un jour où l'homme va comprendre. Si à toi. Mais si à soi, ça veut dire à soi-même, ça veut dire quoi? Pas avoir de crainte. Fait que ça revient à la même affaire. Quand t'as pas de crainte, plus une personne, plus un homme, sont là comme partner, comme tu dis. Ils ont un rôle à jouer avec l'homme, chaque individu. Chaque individu a un partenariat avec sa source. Moi, j'ai la mienne, c'est ce que je fais, c'est mon travail. Ça, c'est mon partenariat. C'est le seul domaine où je suis réellement là, maître, si tu veux, de ma conscience créative. The best. J'ai pas d'égal là, ça c'est sûr. Mais je peux toujours l'écrire parce qu'il y a une loi occulte qui dit que quand les plans donnent à l'homme, ils ne peuvent plus retirer. C'est une loi occulte. Moi, je me rappelle en 78, quand j'ai commencé à faire des conférences, j'ai commencé à faire des séminaires, puis j'ai commencé à parler là, librement comme je parle. J'ai trouvé ça extraordinaire. Ça m'a pris une couple de semaines à m'habituer. Puis d'ailleurs, je leur avais dit, d'un coup, vous arrêtez un jour, vous décidez un jour d'arrêter de me plugger, de me canadier. Puis il m'avait répondu, quand le travail est fait, les corps sont subtils, sont ajustés, ça continue. Une fois que le radio, autrement dit, est syntonisé à la source, ça continue. Dans ça, ça ne sera pas intelligent. Okay. Bon, avec toi, il y a un contact. Ça fait partie de ma vie, ça fait partie de ma programmation, ça fait partie de mon travail. C'est pareil pour tout le monde? C'est pareil pour tout le monde. C'est la seule chose, c'est que c'est difficile pour eux autres de contacter l'homme. C'est pour ça qu'il y avait ça l'évolution, ça va être long. Ça va se faire au cours des générations, au cours des siècles, lentement, graduellement, que l'homme va devenir télépathique avec eux autres. Ça, c'est la première étape. Éventuellement, l'homme va pouvoir les voir, parler avec eux autres. Ils vont se matérialiser. Là, ça va amener à une autre civilisation. Ça va amener l'homme en contact avec des niveaux de conscience et de science qui aujourd'hui font partie de la science-fiction, qui ne doivent même pas être expliqués en public anyway. Autrement dit, les mystères n'existeront plus, puis la conscience des mondes va être totale, l'intégration des mondes va être totale. La relation entre le système solaire et le site, puis d'autres systèmes solaires va être établie. Il va y avoir des gouvernements intermondiaux. Il va y avoir toutes sortes de choses. La civilisation continue. La vie continue. L'exploration des espaces continue. La modification des processus de transport continue. La science continue. Ça n'arrête pas, la vie. La vie, c'est un continuum. Nous autres, on voit la vie sur une base de 100 ans. La science, c'est sur des bases de milliers, puis de centaines de milliers d'années. L'homme va dématérialiser son corps. L'homme va atomiser ses corps subtils. L'homme va passer d'un espace-temps à un autre. Les théories einsteiniennes du temps vont être dépassées. La théorie de relativité ne sera plus utile. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Ça n'a pas de fin, la vie. Le problème de l'homme, c'est qu'il y a une conscience subjective qui réfléchit. Et cette réflexion-là est basée sur le fait qu'il est issu d'un marasme astral. Le marasme astral, c'est le plan de la mort. Quand l'homme sera libre du plan de la mort, autrement dit, libre des entités astrales, qu'on appelle des guides spirituels, l'homme sera simplement connecté à sa source, puis à ce moment-là, il y aura une conscience intégrale, vivra une certaine unité avec les plans, puis à ce moment-là, bien, il sera dans un processus d'évolution extrêmement rapide, puis il ne pourra plus vivre sur la Terre en relation avec la conscience commune de l'humanité. L'homme n'appartiendra plus à la conscience, à la mémoire de la race. L'homme appartient à une autre race. Il créera une autre race. Puis éventuellement, l'homme ne pourra plus vivre dans un corps matériel parce que son taux vibratoire va être trop élevé. À ce moment-là, il va passer une conscience morontienne. Il va rentrer dans une évolution jupitérienne. Le contact avec d'autres niveaux de civilisation va se faire. Des choses qui aujourd'hui peuvent simplement faire partie de la science-fiction. La vie, ça n'a pas de fin. Regardez ce qu'ils disent. Ils disent, la vie, c'est l'explication des mystères. Les mystères, ça ne devrait jamais exister. Un jour, ça n'existe plus, parce que l'homme sera pas gay. Pourquoi est-ce que ça existe, des mystères? C'est parce qu'on vit dans une dimension. qu'on n'a pas de contact avec les autres dimensions qui sont le fondement de notre existence, de notre réalité, autant personnelle que civilisatrice, que planétaire, que solaire, que cosmique, ainsi de suite. On est réellement dans une ignorance fondamentale. Puis ça fait partie de la première fondation de l'homme. Puis un jour, l'homme va rentrer dans sa seconde fondation. Quand il va rentrer dans sa seconde fondation, l'homme pourra tout voir la vie comme il y a aujourd'hui. Ça va être une nouvelle évolution. Comme moi, je ne pense pas. Moi, je ne peux pas penser.